Salut à toi, jeune rôliste qui passe par là, personne non binaire, monsieur, madame. Salut, je vais tout de suite commencer par te parler du sponsor de cette vidéo, parce qu'il est vraiment, on est très fiers de l'avoir en sponsor, quoi, sur ce sujet en particulier, on rêvait le faire, ce partenariat, et en fait, je suis sponsorisé par les blagues de Kaamelott. En fait, on a toujours besoin de pouvoir sortir une blague de Kaamelott en pleine partie de jeu de rôle. Quand tu vois que l'ambiance elle est un peu trop sérieuse, les gens ils sont un peu trop sur leur RP, les gens ils s'amusent un peu trop, tout ça, t'as envie de casser comme ça ce bon feeling, et ben tu balances une bonne blague de Kaamelott qui montre que t'es un bon gros roro, et voilà, qui casse bien tout le RP, c'est génial. Donc vraiment, il y en a plein qui sont vraiment garantis anti-immersives au possible. Allez, j'en prends une au hasard et tout. Oh, trop bon. Atul, Kriel! Voilà. Bon, bah, je pensais, tu imagines que c'était le sponsor idéal pour parler de jeux de rôle traditionnels. Alors, je vais en parler selon un angle un peu particulier, puisque l'idée, c'est de se demander, quand on est un narrativo-vegan, comme toi et moi, eh bien, qu'est-ce qu'on peut encore sauver, retenir du jeu de rôle traditionnel? Est-ce que vraiment il faut jeter tout ce vieux bébé avec l'eau du bain? Ou est-ce qu'on peut encore récupérer un peu l'eau du bain pour se faire un bouillon et cuire des poireaux dedans? Eh bien, c'est la question. C'est la question. Alors, je vais commencer vite fait par te résumer c'est quoi le jeu de rôle traditionnel. Parce que, bah, écoute, si tu viens de la planète Mars, tu n'es peut-être pas au courant. Donc, le jeu de rôle traditionnel, en fait, c'est le jeu de rôle un petit peu tel qu'il existe à partir des années 80 et qui se maintient, qui est en très bonne forme encore aujourd'hui dans les années 2020, qui reste ce qui se vend le plus. C'est un jeu de rôle qui utilise comme base de jeu un manuel de jeu de rôle qui fait toujours au moins 300 pages, quadricromi et tout, avec en général plein plein de suppléments, des scénarios, du contexte, des règles en plus. Et ça va fonctionner sur le gameplay suivant. Il faut qu'il y ait MJ, c'est obligé, voilà. Il y a MJ, tu as une feuille de personnage avec des caractéristiques, des compétences, et tu vas suivre un scénario. Voilà, MJ, carac, compétences, scénario. C'est la quadrilogie hein, du jeu de rôle traditionnel. Parce que là, comme d'habitude, mon axe d'attaque, c'est quand même souvent le gameplay. Je n'ai pas parlé des formats et tout de trop, quoi. Plutôt du gameplay. Alors, en fait, on peut voir sur les réseaux et tout, et j'ai éventuellement peut-être à une époque contribué à ça, quand on va voir dans la sphère indé, narrativo, avant-gardiste, machin, jeu sans MJ, narration partagée, truc bidule, care, bienveillance, ce que tu veux, des fois, il n'y a pas des propos très aimables envers le jeu de rôle traditionnel qui est jugé. Et ça a même été voilà, qui est proposé enfin, sous forme théorique, tu vois, histoire de donner un truc sérieux par notamment les auteurs de La Forge au début des années 2000. Le jeu de rôle traditionnel, il est considéré comme dysfonctionnel. C'est-à-dire, en fait, il ne marche pas. Les gens, ils y jouent juste parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y avait que ça sur les marchés à une époque. Et ils continuent à y jouer, soit parce qu'ils n'ont pas connaissance des super jeux trop bien qui ne sont pas traditionnels, qui existent maintenant. Ou soit parce qu'ils ont une sorte de syndrome de Stockholm, tu vois, ils ont chié toute leur vie à jouer leur jeu pourri, alors ils continuent à défendre le jeu traditionnel parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent maintenant, tu vois, et ils vont initier des gens au jeu traditionnel parce que tu vois, eux, ils en ont chié, je vois pas pourquoi les petits jeunes, ils en chieraient pas avec des jeux tout nazes. Bon, j'espère que tu auras compris que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce constat, même s'il est vrai, je dois reconnaître hein, qu'actuellement, que ce soit en tant que MJ ou que ce soit en tant que joueur, je suis assez peu présent à des tables de jeux de rôle traditionnels. Je suis pas mal passé de l'autre côté du miroir, quoi. Néanmoins, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, c'est quelque chose que je continue d'étudier, et bon, force est de constater qu'il y a une abondante littérature. Au sujet du jeu de rôle traditionnel, donc il y a beaucoup d'informations qui me parviennent, je vois bien comment ça existe, comment ça évolue. Et donc je vais te dire, en fait, si toi, narrativo végan, qu'est-ce que tu pourrais garder du jeu de rôle traditionnel, éventuellement importer dans tes pratiques, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? En fait, c'est pas mal de choses qui vont relever en fait de l'ADN du jeu de rôle traditionnel. En fait, concrètement, si tu vas pouvoir faire des petites manipulations génétiques et si tu prends certains gènes principaux du jeu traditionnel et que tu n'implantes que ceux-là et pas tous, tu vas avoir un jeu hybride qui peut être intéressant. Par exemple, moi, un truc que j'aime bien et qu'on voit vraiment disparaître dans les jeux modernes, c'est les compétences. Oui, parce que en fait, les compétences, elles ont un rôle très très important. Tu le savais peut-être pas. elles ont un rôle très important, c'est qu'elles sont facteurs de liberté d'action pour les personnages. En fait, de façon très intuitive, quand tu vois ta liste de compétences, tu sais de quelle façon tu peux agir sur le monde. Ça te permet de prendre des initiatives. Et souvent, c'est comme ça que tu peux sortir d'un scénario. En fait, c'est en disant ah oui, mais attends, mais là, je peux crocheter la porte parce que j'ai crochetage et tout. Je lui fais. Ah ouais, tu peux l'accrocher, écoute, vas-y, quoi. Et voilà, c'est le petit truc qui permet de filouter, de sortir entre les mailles d'un filet un peu trop serré, quoi. Et en fait, quand on est dans des jeux modernes, un peu trop freeform et tout, t'as vraiment pas une grosse idée de ton personnage. En grosso modo, ça, il peut être un peu ce que tu veux, et en même temps, c'est tout et rien, quoi. Et avec une liste de compétences, voilà, t'es bien posé, tu cernes bien les capacités de ton personnage. Et paradoxalement, tu peux avoir plus de liberté d'action sur le jeu que quand tu es sur un jeu plus freeform, donc notamment sans compétences. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aussi sauver? Moi, je pense que y a matière à ce qu'on sauvegarde le format campagne. En fait, si tu veux un peu le problème des jeux dits modernes, c'est que on va énormément jouer en one shot. Alors, moi, je joue, voilà, je fais plein de one shot. En fait, je suis désolé, le cadre est pourri parce que j'essaie de trouver une façon qu'on voit mon chat et j'arrive pas. Alors, tu permets, je fais une petite pause. Ce serait quand même dommage que vous voyez pas ce chat mignon, mais je pense qu'on va pas y arriver à voir le chat et moi. C'est fou ça. Bon, je te le montre 2 secondes. Voilà. Chat mignon. Chat mignon. Voilà. Et puis, je me recadre vraiment. Parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc, peut-être essayer de voir comment on peut faire un feeling de jeu à campagne. Je pense qu'à mon avis, dans les jeux modernes, ça nécessite de mettre quelques petites règles additionnelles. Par exemple, pour empêcher le perso de trop vriller en cours de one shot, pour qu'il soit réutilisable à la fin de la campagne, à la fin du scénario, pour faire de la campagne. Le scénario, parlons-en. Moi, je pense que le scénario, eh ben, c'est aussi quelque chose que tu pourrais garder. Conserver, alors, soit sous sa forme pure, quoi, c'est-à-dire, pourquoi pas, est-ce que ça peut pas être rigolo de prendre, tu prends un jeu sans MJ, un peu cthoulien, du genre innommable, ah non, merde, il y a un MJ, je crois horrifique, par exemple, doit être sans MJ, je sais plus, ah bon, tu prends un jeu horrifique sans MJ, et tu vas jouer un vieux scénario de l'Appel de Cthulhu, quoi, alors du coup, on est à information visible, quoi, voir comment ça peut être rigolo d'aller de pièce en pièce et puis soit tu fais un MJ tournant, soit on prend ensemble connaissance du truc et puis on s'en empare quoi. Ça peut être méga rigolo. J'ai jamais essayé, hein, mais là tu vois, rien qu'en parlant, j'ai envie de faire quoi. Aussi, on peut reprendre des scénarios, mais en leur mettant une structure plus adaptée au côté impro, au côté liberté de création, co-création qu'on a dans les jeux modernes. Et donc là, j'ai testé, ça existe, hein. En fait, concrètement, le meilleur exemple de ça, c'est Montségur 1244, où tu as vraiment un scénario avec... Donc c'est un jeu sans MJ, mais tu as un scénario avec des actes, une progression dans le temps, des événements, tout ça. Mais il y a plein d'espaces d'interprétation qui sont laissés aux joueuses, tu vois. C'est un scénario un petit peu à trous quand même, mais tu as ce côté où tu es guidé dans une trame narrative. Bon, il y a plusieurs jeux hein, qui font ça, hein, bien sûr. Hein. En ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose que je propose de façon lourde dans Biomass, en fait, où tu vas vraiment avoir une arborescence de scènes avec assemblées sous forme de questionnaires, de petits pour la reine, et qui te permettent de progresser comme ça dans un univers. Voilà, avec du matériel, parce que le gros défaut, si tu veux, des jeux modernes, c'est que c'est surtout dédié aux personnes qui sont costauds en improvisation, parce que souvent il y a peu de matériel, l'univers est assez rachitique en général. Donc c'est le dernier point, je pense qu'il faut sauver du jeu de rôle traditionnel, c'est les univers. Il faut sauver l'univers, bah, je pense que c'est une excellente conclusion. Allez, je te fais des gros bisous, on se dit à la prochaine. Maintenant on va casser du sucre sur le dos du jeu de rôle moderne. Allez, ciao, bisous.